J'en ai assez de ressasser les suicides acides des civilisations, ces trous amers d'insipides où l'on régresse jusqu'à en devenir sourd. Moi aussi je suis de ceux qui susurrent de sirupeux mots d'amour, puisqu'il n'est rien de plus invincible qu'une chanson au petit jour. Il n'est rien de moins insensible qu'un clameur des foules. Celui qui sent se sentir pisser verra les bras tendus et dans leur intensité offrira son corps aux charniers sordides des journalismes à tête de plume remplis de goudron. Nous n'avons pas de futur, juste la certitude de la tombe. Nous n'avons pas de futur, juste la certitude de la tombe. Avec des cycles. J'en ai assez des sourires, des soupirs, des souvenirs. Les mots charmants n'ont de charme que dans leurs circuits imprimés à la chaîne. Comme tous ceux qui enchaînent les boulots avilissants des esprits. Aux armes, citoyens, on a paumé les cartouches. Il n'y aura pas de demain, c'est nos cadavres que l'on touche. Avec des scies, on cirait les barreaux, les si saisissantes idées que l'on conserve comme des saintes paroles, puisque si bien prononcées. On suit avec absence exaspérée ces exaltations sensorielles sans sonorité. Elle est perdue, la poésie. Ne me raconte pas de conneries. Nous n'avons pas de certitude. Juste l'illusion de nos supplices. Juste l'allusion à leurs sévices. Avec des scies. Avec des scies offertes aux sinistres des assemblées, on s'en sortirait peut-être. Avec des scies, on s'irait peut-être, toi et moi, dans l'incendie, à deux pas d'ici, circonstances dans nos paradis, de l'alcool et du tabac, de la colle entre les doigts, on n'en a pas grand-chose à faire, des affaires au gré des hémisphères, on en passera des hivers à se demander ce qu'on fout encore debout. Avec des si, on s'irait peut-être l'un pour l'autre, qui sait. Tu m'aideras peut-être à embrasser sans embarras les lignes de conduite que j'ai lâchées. Avec des si, je pianoterai des mélodies, mais l'idée est étrange, j'en conviens. On peut aussi tracer la route, on peut aussi tracer la route. Je n'ai pas de futur, je n'ai que toi. Avec des si. On a passé le temps à ressasser, on a passé le temps à s'anesthésier. On a passé le temps à ressasser, on a passé le temps à s'anesthésier. Avec des si, on s'irait peut-être l'un pour l'autre. Avec des si. Avec des si, on s'irait peut-être l'un pour l'autre. Avec des si. Avec des si. Avec des si.